Chapitre 15. Pour Geneviève, assoupie maintenant dans un bonheur profond, l'été, trois longs mois de joie à Ville d'Avray, dans la chère maison retrouvée, illuminée de bonheur, pleine de lumière et de gaieté, trois mois d'une sorte de repos exquis avaient passé comme des journées. Elle se sentait à présent si heureuse, caressée par l'intime sécurité de sa vie, endormie presque dans un demi-sommeil plein de beaux rêves. Depuis qu'elle l'avait apporté de sa main, qu'elle le touchait, qu'il était à elle, ce luxe souhaité, âprement voulu, elle ne songeait même pas à en jouir avec cette espèce de fièvre ardente qui la brûlait lorsqu'elle le voyait fuir, passer au loin, aller à d'autres. Elle avait bien le temps maintenant de vivre de la vie de Paris. L'hiver, à l'heure où la flambée de plaisir s'allume, elle jetterait à son tour aux yeux de la foule la poudre d'or de ses millions, ses millions. Elle riait d'un petit rire sensuel, à cette idée que cette fortune n'était à elle. Cette réalité lui paraissait une impossibilité. Puis, quand elle voulait se figurer cette autre femme qui était elle-même, effrayée par la pauvreté menaçante, avide de joies interdites, étouffant, triste à pleurer dans le cercle étroit de sa vie médiocre, elle ne pouvait pas même retrouver ses propres angoisses. Il lui semblait que cette bourgeoisie ambitieuse, douloureuse, prise contre son existence d'une sorte de haineuse colère, ce n'était pas elle. Une autre créature, sans doute. Un coup de fortune avait, comme un coup de vent, emporté toutes ses pensées d'autrefois. Elle souriait, elle s'endormait dans son bonheur comme au balancement doux du hamac où elle s'étendait, alanguie. Et là, elle abandonnait son esprit, détendu soudain, calmé, rafraîchi, à ce présent savouré, comme elle abandonnait son front, ses lèvres, son corps, au baiser du vent, oubliant tout, les yeux sur l'horizon, sur les trouées bleues à travers les feuilles, tandis que partout, les oiseaux chantaient dans ce grand murmure sourd des bois qui la berçaient comme la mer. C'était Victor maintenant qui essayait d'arracher Geneviève à ce calme doux. Il se rappelait toujours, avec une douleur effrayée, le cruel éclat de tout ce qui, si longtemps, avait couvé au cœur de la jeune femme sans qu'il en soupçonnât les amertumes. Puisqu'il le pouvait maintenant, ne voulait-elle pas aller à Dieppe ou à Trouville? Que désirait-elle? Quels étaient ses souhaits cachés? Dieu merci, il pouvait les exaucer. « Mais je ne veux rien, mon ami, mais je suis heureuse. J'attends, je pense, ou plutôt je ne pense à rien, je renais. Il y a de ces moments, après une maladie, et c'est si bon, la convalescence. Eh bien, j'ai, moi, la convalescence de la pauvreté. » Puisqu'elle était satisfaite, Victor était heureux. Et, souriante, sans que personne pût deviner même qu'elle avait un regret au cœur, André montrait son doux visage blond entre ces deux êtres réconciliés par un caprice du sort. Au bout du coteau, presque dans les bois, à l'angle du chemin des Clouseaux, loin du bruit, Ribert avait acheté quelques années auparavant cette maison où il espérait se reposer. Une fois là, en descendant du chemin de fer, après avoir, entre les bordures d'aubépine et de sureau, toute blanche au printemps, gravi la sente de lilas, il se trouvait heureux, respirant à l'aise, oubliant ses fatigues en ouvrant sa fenêtre, et il restait là, accoudé, les yeux sur ces collines toutes vertes piquées de tuiles rouges, de toits d'ardoise, de maisonnettes blanches semées dans les massifs comme des marguerites sur la pelouse, enchâssés comme des cailloux blancs dans le velours des mousses. Et plus loin, du haut de la terrasse qui donnait jusque sur ce pont du chemin de fer dont la fumée montait, se déchirant aux épines des haies, aux branches des acacias, aux grappes tombantes des glycines, il regardait Paris, et il éprouvait à lui échapper, à se sentir hors de cette fournaise, où les hommes fondaient comme du plomb dans le brasier, la sensation calmante d'un bain. Et il avait failli la vendre, cette maison où chaque angle du logis gardait, tapis, un souvenir. Ce qu'il avait sauvé, c'est qu'avec le prix de vente, il n'eût même pas payé sa dette aux heures d'angoisse. En la retrouvant, André avait poussé un cri de joie. Sous le balcon de sa chambre de jeune fille, des hirondelles avaient bâti leur nid. Il y avait des œufs dans le duvet chaud. « C'est du bonheur, » dit la jeune fille. « Encore, nous en avons eu assez pourtant, » répondit Geneviève. Mais André songeait, « Non, pas assez. Il manque quelque chose à ce bonheur-là. Il manque une joie à notre joie. » Elle était donc ambitieuse, André. Non, pas ambitieuse, puisqu'elle aussi, tout haut, disait, répétait qu'elle ne désirait plus rien, mais tout bas. Miss Maud, seule, qui venait parfois à Ville d'Avray avec Raymonde, arrêtait alors son regard profond sur la jeune fille. « Vous avez un chagrin, ma chère Andrée. »« Non, Miss Maud, je vous assure. Autant qu'on peut bénir la destinée, je la bénis. C'est inespéré, notre délivrance. »« Inespéré, exactement, oui. » Pourtant, vous avez un chagrin, je vous dis. Mais je ne vous demande point votre secret, mon enfant. Seulement, Miss Barker soupirait, comme s'il avait eu elle aussi un chagrin qu'elle ne confiait pas. L'été passa ainsi, sans incident, dans le calme continu de cette existence subitement apaisée. On se promenait sous bois, on découvrait des coins perdus de fausses reposes, les sentiers de viroflaies. Geneviève montait à cheval, parfois, et galopait jusqu'à la butte de Picardie. Ribert amenait chez lui les maçons, faisait rebâtir une serre et des écuries, donnait à son logis retrouvé un aspect élégant de cottage. Le jardinier ouvrait de grands yeux. L'an passé, on lui avait fait des observations pour des magnolias gelés par l'hiver qu'il avait remplacés en les payant cher. Maintenant, c'était des fleurs partout, une profusion de fleurs rares qu'on lui demandait. De ce coin de terre qui suffisait à ses journées de repos, Victor voulait faire un paradis embaumé où Geneviève s'endormit dans des parfums. Guillemard venait peu à Ville d'Avray, des apparitions, et quoi qu'il eût pris Olivier pour le remplacer lorsqu'il serait au bain de mer ou à la chasse, par hasard. Mais il s'ennuyait décidément à la campagne, Guillemard. Sa première question, lorsqu'il arrivait quelque part, était de demander au chef de gare « À quelle heure le prochain train ?» Il lui fallait le boulevard, la buée chaude des soirs de Paris, le tapage de la bourse et de la petite bourse, dans le hall où l'on se bousculait. Il ne respirait que lorsqu'il retrouvait au retour de la campagne l'herbe jaune, usée comme un vieux tapis, des fortifications où des gens dormaient sur le dos, où de vieilles accroupies tricotaient. Enfin, c'était Paris, cela. Quant à Raymonde, elle voulait emmener son père au bain de mer. Elle avait à faire des effets de plage. Ses folies aux enchères de la vente de Ducray ne l'avaient pas ruiné. Il lui restait encore du crédit dans la maison Guillemard. Et pourtant, rue Caumartin, que d'argent jeté au commissaire-priseur. Toute rouge de plaisir, comme elle s'était amusée à entendre le marteau d'ivoire tomber, retomber, tomber toujours, pendant qu'une voix disait, dans le murmure stupéfait de tout ce monde, « Adjugez !» Adjugez les émaux cloisonnés, les bahuts Henri II, les lustres de Venise, les grandes appliques de Delft, adjugez le petit cabinet du temps de Charles Quint, sa passion. Et toute une fortune gaspillée ainsi, il lui restait même encore dans sa bourse de jeune fille assez d'argent pour d'étonnants chapeaux d'été et des costumes de casino. Oh, des costumes, des amours de costumes. Louis Ribert les accompagnerait. Il ne lui déplaisait pas au cousin de quitter un peu Paris. C'était pour lui comme un paradoxe d'aller figurer sur le sable ou les galets, s'habiller pour aller entendre au casino réciter des monologues et chanter de vieux prix du conservatoire, des rossignols, disait-il gaiement. Le peintre écrivait parfois à Victor ou à André des lettres bouffonnes, où, se raillant lui-même, il racontait ses impressions de voyage au pays du High Life. Il avait rencontré à Dieppe Edmond Lacoste, dont les cravates faisaient l'admiration des femmes et le désespoir des gentlemen. Louis, alors, n'avait pas hésité. Vite, une dépêche télégraphique et des cravates stupéfiantes lui arrivaient aussitôt de Paris. Lacoste, le premier, avait arboré sur la plage le chapeau nouveau modèle anglais. Louis s'était demandé s'il allait faire le voyage de Londres pour apporter un feutre plus inédit, le chapeau de l'an prochain. Il l'ennuyait, ce Lacoste, il l'assommait. D'autant plus que Guillemard, décidément, avait pour lui des attentions, des prévenances, des sourires, des poignées de main qui agaçaient. Comprenez-vous ça? S'écrit Louis dans ses lettres. Un peintre qui n'est même pas millionnaire. Et lestement, il jetait du bout de la plume, dans un coin de sa lettre, quelques croquis où il se montrait, lui, plaisamment caricaturé, en complet de gommeux, traînant des lingots d'or énormes avec ces mots, ma charge. Il sera toujours fou, disait Geneviève, et toujours bon, ajoutait André. Si Guillemard, condamné au supplice de la plage et exilé de la bourse, passant à Dieppe ses journées à lire les articles de finance et les dépêches de Molina ou de Rodillon, ne venait plus à Ville-d'Avray. Olivier Giraud s'y était montré plus d'une fois, tantôt apportant à Ribert quelques nouvelles du cousin Émile, tantôt tout simplement parce que Victor insistait, l'invitait souvent, avait besoin de le revoir. Olivier n'acceptait l'invitation qu'une fois sur trois, prétextant des occupations, des voyages, et lorsqu'il arrivait, se sentait timide. Mais cette gêne s'envolait bientôt dans l'atmosphère de sympathie qui l'entourait. Tout lui était familier dans le logis, ses allées où il avait rêvé, ses bancs où il s'asseyait, regardant là, derrière le store à large raie rose, la fenêtre de la chambre toute blanche où reposait André. Maintenant il allait vers la terrasse, au bout du jardin, à l'entrée du grand berceau où couraient les rosiers grimpants et les vignes vierges, avec un tilleul immense faisant pleuvoir ses feuilles sur le rebord de la balustrade de pierre et sur la route de la Croix-Bosset qui passait au bas. Olivier s'arrêtait, regardait, retrouvait là ses pensées d'antan, ses songeries, mais flétries et tombées comme les feuilles de l'an dernier. N'importe, ses courtes réapparitions lui étaient douces dans leur amertume même. Il s'efforçait de ne laisser apparaître aucune émotion lorsqu'André lui tendait la main, lui disait, souriante, en camarade, « Ça va bien ?»« Bien, puisque je sais que vous êtes en bonne santé. »« Et heureux ?»« Très heureux. » Il regardait alors autour de lui, humait dans l'air des parfums de roses, des odeurs de feuilles, et, comme malgré lui, « Ah, que tout est doux à revoir dans ce coin de terre !» Alors, instinctivement, la jeune fille se taisait, troublée. Un jour, comme il était venu à travers bois, il dit à André, « J'ai eu une tristesse aujourd'hui. J'ai cherché vainement notre vieux mendiant du pont de Sèvres. Vous vous le rappelez avec sa boîte à musique enrouée, où il manquait tant de notes que nous n'avons jamais pu savoir ce qu'il jouait. Lui-même ne le savait pas. Au clair de la lune, ou la Marseillaise, ce qu'on voulait. Il n'avait qu'un bon œil. L'autre était blanc et vous faisait peur. Un jour, nous avons réuni nos épargnes, fraternellement. J'ai été les porter au vieux et le prier de se choisir un autre endroit. Ce qu'il nous répondit, je ne l'oublierai jamais, je crois. Eh, mon mignon, je n'y gagne pas le diable à cette place-là, mais vous et votre belle petite sœur, d'ailleurs, je ne vous verrai plus passer quelquefois. Il ne nous verra plus jamais, dit lentement André, qui écoutait tout attendri. Moi aussi, j'ai voulu revoir le pont de Sèvres. La borne où s'asseyait notre mendiant, il n'est plus là, il n'y viendra plus. Ce bon pauvre homme, fit Olivier qui se sentait enveloppé, bercé, envahi par ce cher passé. Pourquoi n'êtes-vous pas venu depuis si longtemps? Dit André au bout d'un moment. Avez-vous trouvé de meilleures amitiés, ingrat? Ingrat, quel vilain mot! Il essayait de sourire. C'est que je parle d'une vilaine chose, dit la jeune fille sérieusement. Vous en avez fait une ingratitude en quittant mon père. Vous y pensez toujours. Et je vous reproche toujours votre départ. Je ne me reproche rien, dit fermement Olivier. Elle le regardait de ses yeux clairs, honnêtes. On est pourtant coupable. Toujours coupable de se séparer volontairement de ceux qui vous aiment. Sait-on le temps que durera la séparation? Sait-on la peine qu'on peut faire? Et si un malheur survient? Olivier eut involontairement un mouvement d'élan vers André, comme si quelque invisible danger eût été là. « Un malheur ? » dit-il. « Oh, Dieu merci !» fit André très vite. « Ce que je dis là ne signifie rien, mais vous savez combien je m'inquiète de tout, sans savoir pourquoi. Et c'est si beau, ce bonheur soudain. C'est trop beau !» Elle voulait chasser cette espèce d'inquiétude sans cause et questionna Olivier sur la situation que Guillaumard lui avait fait faite. Une position superbe. On travaillait beaucoup, mais, chose singulière, ce mouvement, cette fièvre, plaisait au jeune homme. Cela l'empêchait de trop penser, et puis, seul au monde, il fallait à son âpre énergie, à son activité, une fièvre de travail. La vie était trop sombre si on n'en secouait pas l'uniformité noire. Il avait des souvenirs à étouffer. « Votre mère ?» dit André doucement. Il ne répondit pas. Comme s'il avait à dire quelque chose encore qu'il retenait sur ses lèvres. Il était ému. « Ma mère, » dit-il. Et brusquement, il passa sa main sur son front. Il regardait André sans parler lorsque, près d'eux, Le sable cria sous les pas de quelqu'un qui s'approchait, et Ribert, se montrant, dit en riant « Eh bien, nous vous tenons, fuyard, transfuge. Vous dînerez avec nous au moins, mon cher Olivier. » Et à son tour, il interrogeait « Eh bien, voyons, êtes-vous content du cousin Émile ?»« Monsieur Guimard est bon avec moi. Il est excellent. » »« Il m'a souvent remercié de vous avoir laissé libre. » Il avait besoin d'un aide, lui, l'infatigable. Oui, lui, c'est extraordinaire. Et ça grossit toujours, les affaires, toujours. À faire peur, dit Olivier, qui souriait. Moi, fit Ribert, vous voyez, moi, j'ai tout liquidé. Je me repose, en bon bourgeois. Mais j'ai beau faire. Je ne peux pas oublier que je ne dois mon bonheur, puisque c'est le mot, qu'à un accident, un hasard, quelque chose d'illogique et d'immérité, où le travail n'est pour rien. Un héritage, enfin. Olivier écoutait, très pâle. L'héritage est un droit comme un autre, dit-il froidement. Pour l'enfant, pour le fils ou la fille qui hérite de son père. Je passe ma vie à travailler pour André. Je lui lègue en mourant ce que j'ai gagné, c'est tout naturel. Mais un oncle, un parent, qui après avoir vécu sans vous aimer, vous enrichit parce qu'il n'a pas d'autre créature à faire riche. J'en profite, soit. Mais je trouve à cela je ne sais quelle immoralité qui me ferait traiter de triple imbécile par Guillemard, mais que vous comprenez, Olivier, certainement. Je comprends, dit le jeune homme, que l'argent gagné appartient à celui qu'il possède, et que celui-là peut en faire ce qu'il veut, le donner à qui il veut. Il ne m'est jamais venu à l'idée que ce qui était à ma mère, il s'arrêta comme s'il allait ajouter à mon père, était à moi. André avait été frappé de l'émotion inaccoutumée, de l'hésitation du jeune homme. Il lui avait semblé que la lèvre d'Olivier était blême et tremblait. « Voyons, dit Ribert. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit de moi depuis que je suis millionnaire ? On dit que personne n'était plus digne de cette fortune et que vous étiez fait pour elle si vous n'étiez pas fait pour les affaires. Ah ça, c'est Guillemard qui dit cela, je le reconnais. Et pourtant, si je l'écoutais, je me rejetterai dans le mouvement, je plongerai en plein courant. Eh bien non, je m'en tiens à ma vie toute faite maintenant, au bonheur assuré de ma femme et de ma fille. Il ne me manque plus rien, je m'en contente. Ma parole, dit Ribert, il ne manque que vous, mon cher enfant. Le regard d'Olivier avait rencontré celui d'André, allant à lui instinctivement. Est-ce que je ne suis pas toujours là, moi ? Dit le brave garçon de sa voix franche. Toujours à vous, à deux pas de vous. Il me semble que si, dans la maison, quelqu'un d'entre vous avait besoin de moi, j'accourrais tout seul, tout droit, tout de suite. J'en suis bien certain, répondit Victor en lui frappant sur l'épaule. Tiens, mais la cloche sonne. Drelin, drelin, diable. Catherine n'attend pas. Elle l'attend moins que jamais. Allons dîner.